Maintenant, nous allons apprendre à utiliser toutes les formes des verbes, mais sans avoir à les mémoriser une par une, car on peut souvent déduire une forme d'une autre. Commençons par un verbe en are, par exemple parlare, parler. Comment dit-on « je parle » ? Parlo. Parlo, oui. Pour la forme qui correspond à « il » ou « elle » au pluriel, vous passez de « parlo » à « parlano ». De « parlo » à « parlano ». Vous remarquerez qu'avec « il » ou « elle » au pluriel, on insiste au même endroit qu'avec « je ». Parlo, parlano. On insiste sur le premier « a » dans les deux cas. Donc, avec tous les verbes en « are », on a « o » à la forme avec « je » et « ano » avec « il » ou « elle » au pluriel. Mais avec tous les autres verbes, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas en « are », le « o » du « je » se retrouve dans la forme avec « il » ou « elle » au pluriel, ce qui donne « ono ». Comme pour les verbes en « are », on insiste sur le même son que pour « je ». Par exemple, prenons un verbe en « ire », « partire ». Comment dites-vous « je pars » ? Parto. Parto, oui. Et « ils partent » ou « elles partent » ? Partono. Partono, c'est ça. Parto, partono. On insiste au même endroit. Comment dit-on « je le vends » ? Vendo. Lo vendo. Lo vendo, oui. Et ils le vendent ou elles le vendent? Lo vendono. Lo vendono, tout à fait. Cette règle est valable pour pratiquement tous les verbes. Il y a bien sûr quelques exceptions, quelques verbes irréguliers. Prenons avoir, par exemple. Comment dites-vous j'ai? Oh. Oh, oui. Et « il a », « elle a » ou « vous avez » avec le « vous » du vouvoiement, qu'est-ce que ça donne ?« A ». « A ». Et comment dit-on « tu as » ?« Ai ». « Ai », oui. Pour « ils ont » ou « elles ont », normalement, on devrait dire « onno », puisque « j'ai » se dit « o ». Mais en fait, on dit « hanno », H-A-2-N-O, « hanno ». Anno. Anno, oui. Il y a donc un petit nombre d'exceptions, les mêmes que celles que je vous ai données tout à l'heure pour tout. Par exemple, même si aller se dit andare, tu vas se dit vai. Et elles vont ou ils vont se disent vanno. Ça doit vous rappeler va, c'est-à-dire il ou elle va ou bien vous allez. Quand on vous voit quelqu'un. C'est la même chose avec le verbe savoir, qui se dit sapere, alors que tu sais se dit sai, et elles savent ou ils savent se disent sanno. Vous connaissiez d'ailleurs déjà la forme sa, il ou elle sait, ou vous savez, avec le vous du vouvoiement. Alors, nous avons vu anno pour « ils ont » ou « elles ont ». Mais pour le « voi », on part de l'infinitif « avere » comme pour les verbes réguliers. Et ça donne « avete ».« Avete », vous avez. Et « nous avons » ? Rappelez-moi comment on dit « nous avons ».« Abbiamo ».« Abbiamo », c'est ça. « Abbiamo » avec deux « b ». Comment dit-on « je suis » ? Sono. Sono, oui. Et « ils sont » ou « elles sont » ? Sono. Voilà, c'est ça. C'est la même chose que pour « je ». Sono. Donc « sono », ça veut dire « je suis ». Mais aussi « ils sont » ou « elles sont ». Alors, comment diriez-vous « je suis occupé maintenant » si c'est une femme qui parle ? Sono occupata ora. C'est ça. Sono occupata ora. Sono occupata si c'est une femme qui parle et sono occupato si c'est un homme. Et si c'est un groupe de gens, comment direz-vous ils sont occupés? Sono occupati. Mm-hmm. Sono occupati. Et elles sont occupées? Sono occupate. Voilà, oui. Sono occupate. Et si on emploie le tu, si on dit tu es occupé et que ce tu est un homme, que direz-vous? Sei occupato. Oui, sei occupato, si c'est un homme. Et si c'est une femme? Sei occupata. Sei occupata. Voilà. Et pour la forme voi, vous êtes, si on s'adresse à plusieurs personnes, ça donne siete. S-I-E-T-E. Siete. Maintenant, comment dit-on je vais? Andare. Ça, c'est l'infinitif. Aller. Je vais se dit vado. Vado, c'est ça. Et il va, comment ça se dit? Va. Va, oui. Et comment dit-on tu vas? Vai. Vai. Et comment dit-on ils vont? Je vous en ai parlé brièvement tout à l'heure. Ça se forme sur le même modèle que pour avere. Donc? Avere, hanno, vanno. Vanno, oui. V-A-2-N-O. Vanno. Très bien. On a vado et vanno, comme ho et hanno. Vado, vanno. Donner se dit dare, comme vous le savez. Et je donne se dit do. Do, oui. Et il donne, elle donne ou vous donnez, le vous du vouvoiement, comment allez-vous dire ça? Da. Da. Avec un accent grave sur le A pour le distinguer de da, d-a, qui signifie entre autres de, depuis. Et comment dit-on tu donnes? Dai. Dai. Mm-hmm. À votre avis, quel est l'équivalent de il donne ou elle donne au pluriel? Danno. Danno, oui. C'est encore une terminaison en anno. Danno. Mais à part ces quelques exceptions, pour obtenir il ou elle au pluriel, on part toujours du je. Par exemple, je veux, ça donne voglio. Voglio, c'est ça. Et donc, ils veulent ou elles veulent vogliono. Vogliono, parce qu'on insiste sur le même son. Voglio, vogliono. Bien, comment dit-on je peux? Posso. Posso, oui. Et ils peuvent ou elles peuvent? Possono. Possono, absolument. Mais pour dire vous pouvez, le vous pluriel, il faut revenir à l'infinitif, ce qui donne potete. Potete, tout à fait. De même, comment direz-vous vous voulez? Volete. Volete, oui. Mais par contre, nous voulons se dit vogliamo. Vogliamo. Et nous pouvons possiamo. Possiamo. C'est ça.